Gaëbal, Charlemagne, légende des bords du Rhin. Au Rhin chéri, la nuit est si sereine, la lune lui si pleine sur le coteau fleuri. Sur le coteau chemine le spectre d'un héros avec sombre manteau et couronne argentine. C'est Messire Charlemagne, dont le bras si puissant a dominé longtemps la teutonne campagne. Il est parti soudain loin de sa couche insigne. Il bénit chaque vigne et hume le raisin. À Rüdesheim, la lune de sous l'eau prend l'essor et bâtit un pont d'or sur la rivière brune. Puis l'empereur arrive et s'avance tout droit. Il bénit sur la rive la vigne à chaque endroit. Puis dans Aix, il retourne et dort en son caveau, car son réveil s'ajourne au temps du vin nouveau. Nous remplissons nos verres et puisons dans le vin la flamme des trouvères et le feu du germain. La perte de Tannhäuser. Que la nuit est délicieuse, combien de fleurs en ces déserts! Sur les sommets de chaque yeuse, mille voix chantent des concerts. Les ruisseaux clignent et bruissent, les fleurs embaument le vallon, les marbres épient et frémissent dans la verdure du gazon. « Arrière !» dit le rossignol. Le chevalier marche toujours, son sang s'est pris, son cœur est folle. Adieu les vieilles amours. Il arrive au manoir champêtre dont la flamme bat les vitraux, au châssis de chaque fenêtre la danse jette ses échos. Des escaliers il prend la rampe, il entre dans le beau salon où rayonnent des feux de lampe, où se trémoussent mains violon. « Arrière !» dit le rossignol, le chevalier marche toujours. Son sang s'est pris, son cœur est folle. Adieu les vieilles amours. Des belles femmes, la plus belle, lui présentent son gobelet. Un doux frisson rase de l'aile le cœur du gentil bachelet. Jusqu'au fond, il vit de la coupe, et l'on entend crier un nain. « Tu vas rester en notre groupe, de Vénus tu touches à la main. »« Arrière !» dit le rossignol, mais de son astre il suit le cours. Son sang s'est pris, etc. Enfin, loin de la compagnie, la belle détourne ses pas. La belle est de corps si fini, la belle a de si vives appas. Loin du tumulte de la fête, le vert feuillage est bien épais. La lune va cacher sa tête dans le nuage le plus frais. On n'entend plus le rossignol, le chevalier reste toujours, etc. Et lorsque le jour se propage, il se trouve couché tout seul, des masses de rochers sauvages l'entourent comme d'un linceul. On sent passer le vent de bise, éparpillant les fleurs du bois. Lui-même a reçu barbe grise, son cœur est vide et plein d'effroi. Il reste assis, là, comme un fol, secouant la tête toujours. « C'est trop tard, » dit le rossignol, « le vent emporte ses amours. »